cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Bactriane, rendez-vous en terre gréco-bouddhiste. Au début des années 1930, l'archéologue Joseph Aquin fait paraître le bilan de 10 ans de travaux de la délégation archéologique française en Afghanistan. Et à propos de la Bactriane, il écrit « Les récits des historiens d'Alexandre, oui Alexandre le Grand, n'avaient pas manqué d'attirer l'attention des savants européens sur la Bactriane ». Aquin parle de miracle bactrien, de la terre promise de l'archéologie. Mais il ajoute « Terre promise et paradis défendu ». Franz Gonnet, bonjour. Bonjour. Alors en 1933 précisément, Joseph Aquin évoquait dans un ouvrage qu'il faisait paraître donc le bilan de 10 ans de travaux de la délégation archéologique française en Afghanistan, ce terme de « terre promise ». De l'archéologie en parlant de la Bactriane. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Ceci dit, la promesse a mis un peu de temps à se réaliser. À l'époque, on avait évidemment en tête les traces de l'expédition d'Alexandre et des royaumes qu'il a laissés derrière lui et dont on savait qu'ils avaient duré un siècle ou deux. Les premières tentatives pour retrouver ces traces archéologiques ont été en fait déçues. Et vous avez donc cité tout à l'heure ce mot de Aquin sur le miracle bactrien, mais il faut savoir qu'en même temps Fouché parlait du mirage bactrien. La découverte d'une véritable grande cité grecque en Bactriane a attendu encore une trentaine d'années. C'était la découverte d'Aïranoum en 1964, une fouille à laquelle j'ai eu l'honneur de participer au tout début de ma carrière et qui s'est interrompue, comme toutes les fouilles en Afghanistan, en 1978. Franz Gonnet, vous êtes historien, archéologue, professeur au Collège de France avec la chaire Histoire et Culture de l'Asie centrale pré-islamique. Et justement, nous évoquons ce lieu, Bactriane, mais dites donc, faut nous dire où nous nous trouvons. La Bactriane correspond historiquement à la partie nord de l'Afghanistan, au nord de l'Hindou Kouch. Elle a également débordé sur la rive droite de l'Amou Daria, l'Oxus des anciens, sur les territoires qui sont actuellement ceux de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Mais disons le centre historique de la Bactriane, c'est la ville connue des anciens comme Bactre, qui existe encore, qui est aujourd'hui Balkh, où d'ailleurs l'ADAFA, et ça n'est pas un hasard, a repris les activités archéologiques à partir de 2002, quand elle a pu revenir dans le pays. L'ADAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Alors, quand Alexandre la conquiert avec le reste de l'Empire achéménide, c'est une terre qui a déjà une longue histoire. Il y avait des légendes fabuleuses expliquant que la reine de Babylone, Sémiramis, l'avait autrefois conquise. Bon, c'est l'écho de ce que cette terre avait abrité de brillantes civilisations qui avaient été en rapport avec la Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle maintenant, ce que les archéologues appellent maintenant la civilisation de l'Oxus, l'âge du bronze, disons 3e, 2e millénaire avant notre ère, les centres principaux étant quand même plus au nord, au Turkménistan. Mais il y a des sites importants en Bactriane. Il y a eu ensuite tout un réseau fortifié de villes rondes, dont Bactre, à l'âge du fer, période d'ailleurs mal connu parce qu'on n'a pas de source écrite. Enfin, voilà, quand Cyrus arrive dans ces régions vers 545, il n'arrive pas du tout dans des terres vides, parcourues uniquement de nomades, comme certains historiens avaient pu le penser autrefois. C'est déjà une terre de vieille civilisation. Mais évidemment, les Perses achéménides vont y apporter leur empreinte, viendra le grand tournant sera évidemment l'expédition d'Alexandre. Nous l'entendons bien, hein, dans cette civilisation en pleine Asie centrale, il y a des villes déjà construites. La civilisation, vous nous le dites, hein, Franz Grenet, et puis... Ben, dès lors, des convoitises. Alors, convoitises, vous avez cité, hein, les Mésopotamiens, les Perses. On regarde là-haut parce que qui dit ville, dit richesse aussi. Il faut tout de suite dire que la grande richesse de la Bactriane, la principale richesse de la Bactriane, elle l'a toujours été, c'est l'agriculture irriguée. On sait depuis des travaux menés donc à la DAFA sous l'égide de Jean-Claude Gardin dans les années 1970 que l'ingénierie hydraulique avait atteint là, dès l'âge du bronze, un niveau de compétences, de technicité qui n'allait plus jamais être dépassé. C'est un pays de cocagne agricole. C'est avant tout ce qu'il faut savoir. Par ailleurs, elle attire des convoitises parce qu'elle a des richesses minérales. L'or, de l'orpaillage de la Moudaria, et évidemment le lapis-lazuli, dont l'unique source connue dans l'Antiquité se trouvait aux confins sud-est de la Bactriane. Cette pierre bleue, absolument magnifique. Et c'est sûr que vous nous expliquez qu'il y a l'agriculture, il y a ces formes d'artisanat, ces créations, cet art. Et puis la richesse aussi de la Bactriane, c'est d'être un lieu de passage. Ce peuple a battu 3 fois les Anglais. Mais ce n'est pas un peuple. C'est une addition de peuplades venues de partout pour aller partout. L'Afghanistan n'est pas un pays. C'est un boulevard, un lieu de passage. Mieux, un lieu de passage obligé entre le désert d'Iran et l'Himalaya. C'est la route de la soie, la route de Marco Polo, un chemin de montagnes et de cols de 4000 mètres que doivent emprunter toutes les marchandises pour aller de l'Orient vers l'Occident. Les marchandises, mais aussi les hommes et aussi les idées. Alexandre le Grand avait implanté ici la culture grecque. Après lui, les moines de Bouddha firent naître des centres religieux plus fameux encore que ceux du Tibet. Lieu de passage que la Bactriane présentait dans l'émission 5 colonnes à la une en 1966. Franz Grenet, oui, c'est très important de dire cela que, alors nous l'entendons, hein, Alexandre, des grands noms sont passés là, mais bien avant lui, déjà, cette région est un carrefour. Elle l'est vraiment devenue au moment où s'est ouverte ce qu'on appelle conventionnellement la route de la soie, terme que personnellement j'essaye maintenant d'éviter un peu puisque la soie n'a jamais été, et de loin, la marchandise unique, ni même principale, qui y était transportée. Cette route qui a mis en connexion la Bactriane et au-delà tout l'ensemble du monde antique jusqu'à la Méditerranée avec la Chine n'a été ouverte à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où les Grecs n'étaient déjà plus en Bactriane. Et c'est là qu'effectivement certains circuits de passage de la route de la soie, pas tous, il n'y a jamais eu une route unique évidemment, empruntaient la Bactriane avant d'aller escalader les Pamirs. Plus tard, la route s'est un peu plus déplacée vers le nord, vers Boukhara, Samarcande. C'est effectivement à partir de là une composante très importante de l'histoire de ce pays. Franz Grenet, oui, on comprend la difficulté d'utiliser l'expression « la route de la soie » parce que vous nous dites qu'il n'y avait pas de soie et surtout il n'y avait pas une route. Alors on pourrait dire les routes, des routes commerciales. Oui, voilà. On sait quelles étaient les marchandises transportées. Étant donné les conditions du transport, ça n'a évidemment jamais été un commerce de masse. Les quantités transportées paraîtraient absolument ridicules à l'aune du commerce moderne. Ce qu'on peut mettre sur des chameaux qui vont parcourir le désert ou des mules et des chevaux qui vont escalader des cols à 4000 mètres, ce sont évidemment des produits à valeur ajoutée maximale par rapport à un poids minime. Eh bien justement, ça y est, le tableau est posé. Nous savons où nous sommes, en Bactriane, en Asie centrale, et vous nous avez expliqué combien ce territoire est important par la civilisation qu'il porte, et une civilisation de création, par les convoitises qu'il suscite, et puis par sa richesse. Il y a aussi quelque chose que l'on peut rajouter, c'est une atmosphère. D'abord une lumière. Une lumière qui pour moi ne ressemblait à aucune autre. C'était pas la lumière de la Turquie, c'était pas la lumière de l'Anatolie, c'était une lumière. Et ensuite, le souvenir de l'Afghanistan le plus fort qui reste, c'est l'unité totale, parfaite entre les hommes et le pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que on était sûrs, certains frappés d'emblée, que les hommes qui vivaient en Afghanistan ne pouvaient pas vivre sur une autre terre et que cette terre était faite pour porter ces gens-là. L'écrivaine Marie-Josée Lamothe qui évoque sa sensation de l'Afghanistan. Vous, Franz Grenet, vous connaissez bien ce territoire. Si je vous demande la sensation que vous avez quand nous sommes en Bactriane, qu'est-ce que nous ressentons? Nous sommes où? Quels sont les paysages? Je parlerai d'abord de sensations olfactives, que je ressens aussi d'ailleurs à Samarcande, où mes activités m'ont ensuite transporté, c'est l'odeur très prégnante de la poussière de l'œuf. Ce l'œuf, qui va en fait jusqu'à la Chine du Nord, c'est un des grands facteurs qui explique beaucoup de traits de la culture matérielle de ce pays. L'architecture est entièrement en leus, enfin presque entièrement. Secondairement, le bois ouvragé, très très peu la pierre, ce qui est évidemment une contrainte majeure pour les archéologues et qui explique la déception d'un Alfred Fouché et plus tard en fait d'un Daniel Schlumberger quand ils ont commencé, quand ils ont cherché les cités grecques, c'est que ces cités, elles avaient fondu. Plus tard, quand on a découvert Aïranoum, on a vu que l'architecture, la pierre, avait été utilisée d'une manière monumentale, mais presque jamais pour faire les murs. C'est uniquement une parure pour faire grec. Pour faire grec, parce que vous évoquez cette roche, hein, le leus, c'est vrai, c'est très friable, il y a vite de la poussière, il y a cette odeur. C'est très intéressant d'évoquer en premier l'odeur, c'est très... Et sa fécondité, quand il est irrigué, c'est un merveilleux sol. Et puis il y a une couleur. Quelle est la couleur dominante? C'est un jaune tirant un peu sur le beige. C'est ce qui frappe immédiatement. Enfin, encore aujourd'hui, dans l'architecture traditionnelle, les murs sont construits en briques séchées au soleil, rarement en briques cuites, c'est seulement pour les monuments, en pisé, des blocs de leus tassés, posés les uns sur les autres. C'est le matériau qu'ils ont sous la main, mais en même temps, il a des qualités antisismiques et également de très grandes qualités thermiques. Sous ces climats, on subit d'énormes écarts de température quand on vit dans des maisons en pierre ou en béton. Quand on est dans une maison en leus, tout est amorti, tout devient doux en fait. Et c'est une sensation que ceux qui ont vécu dans le pays ne peuvent jamais oublier. Alors justement, vous, Franz Grenet, ce pays, vous le connaissez bien, vous y avez vécu, vous y avez fouillé principalement. Alors c'est sûr que, mais vous l'avez sous-entendu, pour l'archéologue, c'est enquiquinant, parce que ça ne laisse pas peut-être autant de traces que l'on voulait. Et c'est pas facile à fouiller. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour distinguer un mur de la terre provoquée par sa fonte ou son effondrement, il faut une certaine expérience. D'accord, l'expérience, vous l'avez. Et justement, sur le site que vous avez fouillé, Aïranoum, là, nous sommes sur ce qui faisait rêver quand nous parlions du miracle bactrien. En Bactriane, il y a quelque chose qui est grec. Et bien sûr, tout de suite, se plonger dans cette idée qu'en Asie centrale, il y a du grec, une civilisation grecque, des gens grecs qui parlaient grec, tout de suite la question se pose. Mais alors, vous, en fouillant, que voyez-vous, que trouvez-vous qui prouve que les Grecs étaient là ? Personnellement, ce que j'ai fouillé à Iranoum, c'est le théâtre. On n'imagine pas plus grec, hein, comme type de monument. Un théâtre qui n'était pas en pierre. C'est l'un des seuls théâtres en briques crues laissés par l'Antiquité. Plus généralement, dès le début à Iranoum, on a trouvé des inscriptions grecques. Moins que ce qu'on aurait d'ailleurs espéré. Mais dans les toutes dernières années, sont intervenues des trouvailles tout à fait sensationnelles. La plus spectaculaire, c'est la découverte dans la trésorerie du palais de fragments de papyrus, de papyrus grec, qui portaient les traces encore assez copieuses d'un texte. Il faut tout de suite dire que ce papyrus n'existait plus. C'était ce qu'on a trouvé, c'est l'empreinte de l'encre du papyrus dans ce fameux leus dont je parlais tout à l'heure. J'étais présent au moment de la découverte faite par mon collègue Claude Rapin. Il a fallu tout de même un certain temps pour que nous nous rendions compte qu'il s'agissait de lettres grecques à l'envers et donc d'une décalcomanie. Si je mentionne ce texte, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'après 40 ans de recherche, un consensus s'établit maintenant sur l'identification du texte. C'est un dialogue philosophique d'Aristote, le Périphilosophias, mais dialogue que nous n'avons plus, qui est connu par des citations. Et là, c'est l'un des seuls fragments, peut-être même le seul, qui soit parvenu du texte authentique. Par ailleurs, à Paris, nous pourrons voir ce papyrus à partir de la mi-septembre au Collège de France se tient une exposition voilà du 18 septembre au 26 octobre le papyrus dans tous ses états un modèle 3D une reproduction 3D sera présentée de cette motte de terre portant des colonnes d'écriture en grec. C'est le papyrus le plus oriental jamais découvert. Incroyable de se dire que ce fragment d'Aristote n'existe et a été découvert qu'en Asie centrale, loin, si loin en fait du monde grec. Et un fantôme, puisque c'est encore une fois une décalcomanie d'un papyrus qui n'existe plus. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses grecques à Iranoum, la parure monumentale, la parure de colonnes de pierre du palais, des chapiteaux qui auraient pu être exécutés en Grèce. À Iranoum, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, a été à un moment plus qu'une grande ville fondée par les successeurs immédiats d'Alexandre, les Séleucides. Ça a été à un moment, une capitale d'empire. Tout à fait à la fin de son existence, elle est la capitale d'un grand roi, le dernier grand roi grec de Bactriane, qui s'appelait Eucratide, qui a régné d'environ 171 à 145, et dont l'empire s'étendait tout de même des régions au nord de la Moudaria jusqu'à l'Inde, qu'il a pillée. Et nous, dans cette fameuse trésorerie dont je venais de parler, on a également des dépouilles du pillage de l'Inde. Ce qui nous a finalement mis sur la voie de l'identification, de l'identité du nom de la ville, ou du moins du nom qu'elle a porté à la fin de son existence. Oui, il y a quelque chose que l'on évoquait en début d'émission de cette terre promise de l'archéologie où il est possible de trouver, eh bien, des vestiges grecs, indiens, chinois aussi. Mais alors, cette question se pose, Franz Grenet, qui sont les premiers Grecs à être arrivés par là-bas? Alors, pendant longtemps, les historiens ont pensé qu'il y avait déjà eu des sortes de colonies grecques à l'époque de l'Empire perse achéménide. En réalité, le renseignement a été surestimé. Les historiens d'Alexandre mentionnent effectivement, non pas en Afghanistan, mais sur le territoire de l'Ouzbékistan, une petite colonie de déportés politiques, de milliers, mais qui n'a certainement pas semé les graines de la civilisation grecque sur place. Les colons grecs arrivent avec Alexandre, s'émancipent. Ils sont d'abord rattachés à l'empire de Séleucos, l'un des généraux d'Alexandre qui s'est partagé son empire. Et puis, vers 250 avant Jésus-Christ, ils s'émancipent. Ils créent un royaume indépendant que les Séleucides vont finir par reconnaître parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, ce royaume succombe entre environ 145 et 130, mais il succombe, mais se transfère en fait dans l'Inde du Nord-Ouest, où les derniers souverains, je dirais, portant des noms grecs hein, et ayant des légendes sur leur monnaie en grec, vont se suivre encore jusque vers 10 après Jésus-Christ. Donc ça s'est prolongé, et c'est là en fait, sur le sol indien et non pas en Bactriane auparavant, que se produit l'étincelle de la rencontre entre la culture hellénistique et le bouddhisme. Et justement, ce texte grec, ce fantôme de texte grec, il date de quand? Dans cette histoire longue, entre le moment où Alexandre arrive et puis les successeurs d'Alexandre qui imposent en fait cet hellénisme, où se situe ce texte? Et là, justement, on ne sait pas très bien. Et tel, le document lui-même a été trouvé dans la ruine de la trésorerie du roi Eucratide. Donc on sait que il y a un terminus, c'est 145, la fin du règne d'Eucratide, quand la ville est pillée, détruite, etc. Alors, mais ce papyrus, il pouvait être là depuis longtemps. Il y a une hypothèse qui le ferait remonter au début même de la création de la ville, parce qu'on sait que vers 290-280, enfin on sait, on suppose, qu'un grand philosophe, justement disciple d'Aristote, a visité la ville. Il s'appelait Clearque de Sol. On le sait parce qu'il a laissé une épigramme, une copie des maximes philosophiques delphiques et une épigramme sur le tombeau de l'officier qui avait fondé la ville. Alors, bon, je suis pas totalement convaincu qu'il faille attribuer l'arrivée de ce texte d'Aristote à Clearque, parce que ça donne quand même un petit peu le vertige. On a deux étincelles de pensée philosophique à Hiranum. Vers 280, la visite de Clearque. Vers 145, le papyrus de la trésorerie d'Hiranum. On est évidemment très tenté de tirer une ligne droite et de construire une intrigue qui va relier les deux. Ça a peut-être été un peu plus compliqué que cela. Mais c'est cette histoire, cette aventure qui nous passionne dans le cours de l'histoire sur France Culture. Rendez-vous en terre gréco-bouddhiste, la Bactriane. Et puis rendez-vous justement dans cette ville dont nous parlons, Hiranum. Le site d'Hiranum avait été prédestiné par la nature à devenir un jour le siège d'une grande ville. La future cité trouverait, tout préparé, un emplacement défendu par trois lignes de défense naturelle disposées en triangle. Deux fleuves puissants se rejoignant en confluent, l'Oxus des anciens, appelé aujourd'hui Amoudaria, qui fait la frontière entre l'Afghanistan et la Russie, et la Kokcha, affluent afghan du premier. Le troisième côté était protégé par une colline haute d'une soixantaine de mètres qui deviendrait naturellement une acropole. Disposant ainsi d'une étendue de 2 km du nord au sud, la ville pourrait devenir une grande cité. Et la riche plaine dont elle occupe l'extrémité sud nourrirait sans peine ses habitants. Nous étions en 1978 à Ayr Hanoum dans l'émission Les temps retrouvés de l'archéologie, vue par les archéologues. Et bien justement, c'est Paul Bernard. Mais 1978, dites-moi, France Grenet, vous y étiez, vous, là-bas? C'est avec une très grande émotion que j'entends la voix chaude et chantante de mon maître Paul Bernard, qui nous a quittés en 1986 et qui, de 1965 à 1978, a dirigé la fouille d'Ayr Hanoum. J'ai été l'un de ses derniers collaborateurs sur la fouille pendant 4 ans. 4 années qui ont été assez miraculeuses, en fait, dans l'histoire de la fouille, puisque j'ai eu la chance d'identifier, de fouiller le théâtre, et puis c'est à ce moment-là qu'on a fait les découvertes fantastiques de la trésorerie. Mais auparavant avait été fouillé l'immense palais reconstruit par Eucratide, d'autres monuments tout à fait typiques de la civilisation grecque, comme un gymnase. Oui, allez-y. Voilà. Peut-être quelques mots sur les circonstances de la découverte d'Ayr Hanoum. Allez-y. Les archéologues de la DAFA donc avaient rêvé depuis Fouché, depuis les années 20, de trouver une colonie grecque. L'espoir s'était peu à peu amenuisé. Fouché puis Schlumberger avaient cherché à Bactre, ça avait été décevant. On sait finalement, grâce aux fouilles menées par Philippe Marquis, que nous avons entendu hier dans cette même émission, après le retour de la DAFA en 2002, qu'il y avait d'imposants monuments grecs en pierre à Bactre, probablement les restes d'un temple démantelé. Mais Ayr Hanoum, il y a une pieuse histoire, c'est que le site a été découvert par le dernier roi d'Afghanistan, Zahir Shah, lors d'une partie de chasse. Zahir Shah était un homme cultivé, francophile, francophone, qui était tout à fait capable d'apprécier les vestiges qu'on lui montrait, mais ça n'a pas été tout à fait un hasard. Ça a été une mise en scène pour faire rencontrer le roi et ses vestiges. Et ça n'était pas évident à l'époque d'ouvrir une fouille, car Ayr Hanoum se trouve sur ce qui était alors la frontière soviétique et qui est maintenant la frontière de l'Afghanistan. Et pendant un certain temps, le permis de fouille était bloqué pour ces raisons. Mais avec l'appui personnel du roi et de son ministre des Affaires étrangères, le docteur Rawan Farhadi, formé d'ailleurs à Paris, on voit là les retombées importantes du soft power universitaire français, la fouille a pu s'ouvrir en 1964 et tout de suite les doutes sur le caractère grec de la ville ont été levés, puisque immédiatement les fouilleurs sont tombés sur des inscriptions grecques à l'encre, sur des tessons de poterie. Nous y sommes au cœur de l'Asie centrale, un monde grec. L'Afghanistan, c'est la sauvagerie de la steppe où, à maintes reprises, en maints endroits, au cours de 3000 ans d'histoire, s'est fixé l'esprit. France Culture. S'est enraciné la civilisation. Le cours de l'histoire. L'Afghanistan, c'est d'abord la steppe. Balayé par les vents, sillonné par les peuples, l'immensité. Xavier Mauduit. L'Afghanistan, c'est pas seulement la steppe, nous l'entendons bien. France Grenet, justement, il faut essayer de saisir un peu ce mélange de cultures qui s'est opéré en Asie centrale, en Bactriane. C'est en cela que le lieu est fascinant. Il y a cette culture grecque, apportée par Alexandre, pour le dire simplement, développé par ses successeurs. Mais il y a tous ces mondes très proches, l'Inde qui n'est pas loin et la Chine aussi. Alors, il faut en premier lieu mentionner le substrat, hein, les populations que les Grecs ont trouvées. Ces populations sont connues sous le nom de Bactriens. C'est un peuple qui a son identité, sa langue. Il n'a pas perdu du tout sa langue avec l'arrivée des Grecs. On en a des témoins jusque vers le XIe siècle de notre ère. Ce qu'ils ont gardé des Grecs, c'est qu'ils se sont mis à noter leur langue dans l'alphabet grec. Mais c'est une langue iranienne au sens large. La grande famille des langues iraniennes ne se réduit pas du tout à la variante iranienne occidentale qui est représentée par le persan, le vieux perse des inscriptions, Achéménide, etc. Les Bactriens étaient là et ce sont eux qu'on va retrouver après le départ des Grecs. Et curieusement, alors même qu'ils ont adopté l'écriture grecque pour noter leur langue, ils ont adopté extrêmement peu de vocabulaire grec. Ce qui pose tout de même problème sur la profondeur qu'aurait pu avoir cette symbiose. Mon opinion, qui n'est certes pas partagée par tous, c'est que les Grecs n'avaient pas laissé un très bon souvenir. Ils étaient peu nombreux, c'était vraisemblablement constitué en caste. Quand on voit sur leur monnaie, quand ils représentent des reines, c'est jamais des reines locales, c'est toujours des reines avec des noms grecs. Ils ont dû être des maîtres assez durs. On le soupçonne, par exemple, quand on voit les circonstances de la chute d'Aïranoum. Aïranoum tombe donc vers 145, peut-être victime des ambitions militaires de Cratide qui, chaque année, entraîne l'élite de son armée et de son aristocratie vers les plaines de l'Inde. On soupçonne que peut-être la ville était quelque peu dégarnie de ses défenseurs et succombait à un raid d'envahisseurs Sakars. Enfin, ce sont des parents des Scythes. Et on a quand même des indices d'une violence exercée contre les restes de la présence grecque. Le palais a été détruit avec un acharnement phénoménal et pas du tout utilitaire. On a été jusqu'à démonter les fondations de gros galets. On a brûlé le temple. C'est quand même le signe d'une hostilité. Au théâtre où donc j'ai fouillé, je suis tombé sur un charnier de 130 squelettes déposés là au même moment. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit d'un massacre au moment de la chute de la ville, soit les derniers Grecs présents sur place, soit ce que j'appellerais des collabos. Donc on a la composante bactrienne, ça c'est resté toujours, et il faut pas perdre cela de vue, la composante principale. On a un peu de mal à la saisir dans Aïranoum. On pense maintenant peut-être que les quartiers peuplés par les Bactriens auraient pu se trouver en partie en dehors de la zone délimitée par les remparts. Il suffit de penser à ce qu'étaient par exemple les villes coloniales de l'Inde anglaise. Bien. Par ailleurs, vous venez de le dire, d'autres composantes ethniques. Il y a toujours eu une symbiose avec le monde de la steppe. Il y a toujours eu en lisière des grandes oasis, y compris Bactre, des nomades qui parfois vivaient sur la base d'échanges pacifiques et complémentaires avec les habitants des oasis. Parfois, quand ils étaient renforcés militairement par de nouvelles vagues, pouvaient devenir beaucoup plus hostiles et menaçants. Très rapidement, il y a les contacts avec l'Inde, qui n'ont pas attendu Alexandre. Car si Alexandre a voulu conquérir l'Inde, c'est que l'Inde avait appartenu à l'empire des Perses Achéménides, dont il s'estimait l'héritier légitime. Tous ces gens-là se déplacent à pied. Ça fait rêver aussi, parce que quand nous nous intéressons à l'histoire, c'est parce qu'elle porte d'épopée. Et nous évoquons Alexandre pour réduire bien souvent à un personnage cette histoire, mais nous la voyons beaucoup plus complexe. Et pour la Bactriane, il y a ces Grecs, cette écriture grecque, cet alphabet, mais pour écrire une autre langue. Mais quelle autre trace des Grecs? La religion, par exemple? Alors, la religion, il est évident que la religion grecque est pratiquée à Aïranoum. On a de multiples images qui le prouvent. Ceci dit, le grand temple de la ville est un peu une énigme, parce que on a effectivement, on soupçonne que la grande statue de culte était un Zeus. On en a retrouvé une main et une sandale, mais la sandale porte l'image de la foudre, donc on pense que c'est Zeus. Mais est-ce uniquement Zeus? le type du temple, le type architectural du temple n'est pas du tout un temple grec. Il semble se rattacher plutôt à des modèles mésopotamiens. Les Grecs avant, on sait que les colons grecs, avant d'être envoyés en Bactriane, étaient parfois des deuxième, troisième générations qui auparavant s'étaient acclimatés en Mésopotamie. Donc il est tout à fait probable qu'il y a eu aussi des composantes mésopotamiennes transportées avec les colons grecs. Plus tard, la religion grecque va rester présente, mais sous la forme d'images. C'est-à-dire que quand les Bactriens vont éprouver le besoin de figurer leur divinité, ce qui n'était... alors on n'a pas encore parlé du zoroastrisme, la religion, disons, probablement la plus locale de la région. Au départ, le zoroastrisme n'est pas une religion de culte à images, mais sous l'influence probablement des Grecs, il le devient. Et quand, sous le grand empire couchant, qui est contemporain de l'empire romain, qui s'est établi à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, on a éprouvé le besoin de figurer le panthéon officiel sur les monnaies, généralement, on a pris des images de dieux grecs en leur donnant, en bactrien, leur nom zoroastrien. C'est formidable de voir cet échange et d'imaginer cette réinterprétation, cette utilisation d'une image grecque venue de loin pour des dieux locaux. Tout à fait. C'est un va-et-vient. Mais alors, dans le titre de l'émission aujourd'hui, le cours de l'histoire, c'est la Bactriane, rendez-vous en terre gréco-bouddhiste. Est-ce que vient faire ce mot bouddhiste? À quel moment le bouddhisme arrive? Tant que les Grecs sont restés en Bactriane, ils ont évidemment rencontré des bouddhistes, mais je disais tout à l'heure, l'étincelle ne se produit pas encore. On n'a aucune trace d'art bouddhique à Hiranum. On n'a pas d'indice que des moines bouddhiques se soient déjà implantés en Bactriane. La rencontre va se faire au sud de l'Hindoukouche, dans les régions qui vont servir de refuge aux gréco-bactriens chassés entre 140 et 130, ces petits royaumes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont subsister au Gandhara, au Pendjab, assez longtemps. Et là, on a effectivement des indices d'une rencontre avec le bouddhisme. L'un des rois, Ménandre, a eu les honneurs des écritures bouddhiques. Il y a un dialogue bouddhique qui s'appelle « Les entretiens de Milinda », c'est Ménandre, où il explique la sympathie qu'il éprouve pour le bouddhisme. Quand plus tard, le grand roi indien Asoka, de la dynastie Maurya, au troisième siècle avant Jésus-Christ, va s'implanter dans des régions qui ont été provisoirement délaissées par les Grecs, du côté de Kandahar, au sud de l'Hindoukouche. Il va promulguer ses grands édits sur la conversion au bouddhisme, les valeurs du bouddhisme, etc., dont on a des versions indiennes, mais dont à Kandahar, on a retrouvé la version grecque. Et on voit très bien que il y a un véritable travail philosophique pour transposer les concepts de la religion bouddhique dans des termes grecs. Donc là, effectivement, la rencontre s'est opérée, je dirais, plus au sud qu'en Bactriane. À partir du 1er siècle avant notre ère se produisent des phénomènes fondamentaux. La dynastie Kushan qui émerge va protéger la religion bouddhique. Ce ne sera pas une protection exclusive, c'était des gens assez éclectiques, mais elle va protéger la religion bouddhique. Des monastères bouddhiques, les premières traces de monastères bouddhiques en Bactriane remontent à cette époque. Et enfin, et surtout, c'est alors que naît l'art gréco-bouddhique dit du Gandhara, dont on arrive maintenant assez bien à situer la naissance. C'est un peu avant les couchants, vers vers 50 avant 40, 50 après Jésus-Christ, chez leurs prédécesseurs qui étaient donc des Scythes. On a des ensembles sculptés dans la région, dans la vallée du Swat, qui est aujourd'hui au Pakistan, qui semblent être les premiers témoins de cet art gréco-bouddhique qui va fleurir longtemps, bien longtemps. Les canons esthétiques vont commencer à changer au 5e siècle. Jusqu'alors, on a... Alors ça, évidemment, quand on a découvert cet art... tant les Anglais que nos historiens d'art français, au premier chef André Malraux, se sont extasiés devant la pureté grecque de ces formes. Il est certain que les Grecs avaient laissé derrière eux des traditions de sculpteurs qui ont été capables de répondre aux commandes de la nouvelle foi. Il y a sans doute eu aussi de temps à autre une revivification de ces influences classiques par le biais du commerce avec Rome, qui ne s'est jamais interrompu. Le biais du commerce avec Rome, qui ne s'est jamais interrompu. Et c'est alors que ressurgit cette expression, mais qui est facile d'utilisation, mais dont vous nous avez dit, Franz Gonnet, qu'il faut utiliser avec précaution, route de la soie. Qui nous attendent. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Yeah. Alors restons-en au Badakhshan, puisque oui. C'est là que vous avez le plus vécu. Quelle est la capitale du Badakhshan? C'est Faizabad. Faizabad. Oui, Faizabad est une oasis dans les montagnes du Badakhshan. Voilà, les montagnes du Badakhshan. On connaît bien. Les plateaux se trouvent à quelle altitude? À 4000. Vous voyez ici la frontière soviétique. Oui. Avec, on peut y approcher facilement? Nous avons été par là. Oui, vous voyez le pic Lénine. Un petit village sur... Un petit village sur la route de la soie. Ici, des dunes. Tu te souviens, les dunes avec les vagues qui se formaient. Des chèvres. Ah, y a-t-il un mouton caracule dedans? Oh, certainement, parce qu'ils vivent en très bonne intelligence avec les chèvres, mais je ne sais non, ces chèvres-là fournissaient dans le temps le poil pour faire les châles de Cachemire. Ah oui. Tiens, un mouton de caracule là. Où ça, je ne vois pas. Le clair là qui se tourne un peu, là on voit la grosse queue. Ah, le voilà. Ouais. Ah, oui. C'est ça. Donc. Hop là, ça y est, on l'a vu, l'émission sur les grands chemins en 1965 à l'ORTF, émission télévisée où deux jeunes gens, Jacques et Bernard Gourguechon, expliquent qu'ils ont parcouru les hauts plateaux de l'Afghanistan. Et quand nous entendons ce son-là, bien sûr, il y a quelque chose qui nous touche toujours, de se dire qu'il était possible de voyager dans ces pays-là dans les années 60. C'était encore possible. Moi-même, quand j'ai été là-bas dans les années 70, on ne pouvait déjà plus aller au Badakhshan, par exemple. Voilà, avec les soviétiques tout proches. Justement, Franz Gonnet, nous parlons de la Bactrie. Nous avons évidemment cet intérêt pour l'héritage venu de Grèce. Et puis, il y a cet apport indien, le bouddhisme. Et les Chinois dans tout ça? Les Chinois... les contacts avec les Chinois à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ sont d'ordre politique, diplomatique, militaire, commercial. Mais il n'y a pas d'influence de la culture matérielle chinoise ni de la civilisation chinoise, à part des objets chinois qui ont été trouvés dans le trésor de Bégram, évoqué hier par Philippe Marquis avec également la voix de Daniel Schlumberger, trésor de Bégram, trouvé à la fin des années 30 par Joseph Aquin. On ne sait d'ailleurs pas très bien, on ne sait toujours pas très bien comment expliquer cet incroyable bric-à-brac extrêmement hétéroclite qu'on a trouvé dans les chambres scellées du trésor de Bégram, on a pensé pendant longtemps à une cage de marchands. On tendrait maintenant plutôt à penser à une trésorerie royale. Ce qui, peut-être, pourrait suggérer qu'une partie de ces objets n'est pas venue par le commerce, mais est venue par des cadeaux diplomatiques. Alors là, on a des lacs chinoises. Mais je dirais, c'est tout en ce qui concerne les objets proprement chinois. Alors la Chine, pourquoi la Chine commence-t-elle à s'intéresser à l'Asie centrale soudainement à partir des années 130? Pour deux raisons. La Chine est chroniquement menacée sur sa frontière nord-ouest. C'est pour cette raison qu'elle a construit et reconstruit à de multiples reprises la Grande Muraille par des peuples nomades qui, à l'époque, on les appelle en Chine les Xiongnu. En fait, c'est le même mot que nous, Huns. Voilà. Et il se trouve que les Xiongnu avaient délogé de ces steppes un autre peuple qu'on appelait, qui avait eu quelques rapports avec la Chine, qu'on appelait les Yuezhi. Ils étaient partis vers l'ouest et on savait pas très bien où. Et l'idée des Chinois, c'était de reprendre contact avec les Yuezhi pour créer une alliance de revers contre les Xiongnu. Donc on envoie un agent, Chang Qian, qui va passer 15 ans sur les routes, en partie capturé un moment par les Xiongnu, et qui va rapporter le premier témoignage chinois sur la Bactriane, où il trouve fraîchement installé ce peuple des Yuezhi, des archers redoutables, dit-il, dont va sortir, un siècle et demi plus tard, la grande dynastie Kushan. Et puis, par ailleurs, les Chinois, un peu plus tard, mène des expéditions militaires dans une région qui est aujourd'hui en Ouzbékistan, le Fergana, dont on a entendu parler depuis un certain temps parce que c'est l'une des rares zones d'Ouzbékistan où les islamistes semblent représenter une menace potentielle. Ils envoient une expédition militaire au Fergana pour capturer des étalons. Le Fergana est fameux pour la force, la vigueur de ses chevaux, qui par ailleurs peuvent survivre à de très hautes altitudes. Et on envoie une expédition pour capturer les étalons. Et effectivement, dans l'art chinois, on s'aperçoit que dans le tombeau du premier empereur un siècle avant, les chevaux, nous on les appellerait des poneys, ils sont tout petits. Et puis, à partir donc de l'époque des Han, on voit des bêtes qui ressemblent, eux, vraiment à nos chevaux arabes. Oui, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, hein, France Grenet, ce sont ces échanges, ces transferts, et nous voyons bien que dans ce territoire, aujourd'hui couvert par l'Afghanistan, eh bien, il y a, on dit que c'est galvaudé, mais le mot carrefour est vraiment là, quoi. Il y a ces échanges, et puis surtout, ces civilisations locales, enfin, tout n'est pas à portée de l'extérieur. Je reviens sur la présence chinoise. Elle va devenir la présence diplomatique chinoise et la venue de voyageurs chinois, parfois des pèlerins bouddhiques, va devenir beaucoup plus forte au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, à partir du 5e siècle. Et il se trouve que pour les périodes, les siècles qui précèdent la conquête arabe, les sources historiques, on a perdu. S'il y a eu des chroniques locales, elles sont perdues. Les Bactriens n'ont jamais écrit leur propre histoire. Ou s'ils l'ont écrite, nous ne l'avons plus. Mais donc, les sources que nous avons, ce sont en très très grande majorité des sources chinoises, c'est-à-dire des notices rédigées dans les histoires dynastiques sur la base d'informations transmises par les ambassadeurs chinois, qui étaient par ailleurs des espions, et rien de très nouveau sous le soleil, et également les pèlerins bouddhiques. Alors le principal d'entre eux, c'est évidemment le grand Xuanzang, qui a pénétré en Bactriane par le nord, par Samarcande, qui a vécu de nombreuses années en Inde, où il s'est formé à fond à la langue sanscrite, il a ramené des manuscrits, il est revenu à travers l'école du Pamir, qui était l'un des itinéraires de la route de la soie, et nous avons son récit, disponible d'ailleurs en français dans une traduction complète de Stanislas Julien, et c'est une des pour le 7e siècle, c'est une des sources documentaires principales que nous avons. L'archéologie, l'histoire de l'art, doivent s'appuyer sur cet ensemble textuel pour éclairer ces siècles du haut Moyen-Âge. Dites-moi, Franz Grenet, vous ne seriez pas en train de dire que une partie du bouddhisme chinois vient en fait par l'Afghanistan actuel, plus que par l'Inde? Pas tout, mais pas tout. Il y a eu très tôt des contacts directs avec le bouddhisme indien, mais il est exact que les premiers traducteurs de textes bouddhiques en chinois sont des centres asiatiques. Peut-être pas tellement des Bactriens, plutôt des Sogdiens, donc les gens de Samarcande, un peu plus au nord. Le bouddhisme chinois est venu par la route du nord-ouest. C'est tout à fait clair. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la Chine va recevoir le bouddhisme sous une forme qui est déjà celle du Mahayana, qui à ce moment-là était devenue majoritaire en Asie centrale. Et ils vont avoir connaissance de la forme plus ancienne, le Hinayana, seulement plus tard par les contacts directs avec l'Inde et avec Ceylan. Le bouddhisme japonais doit énormément à l'Asie centrale. Les savants japonais le savent. Il y a l'intérêt pour l'Asie centrale chez les historiens d'art, historiens japonais, depuis, je dirais, le début du XXe siècle, est venu au départ de la quête des sources de leur bouddhisme. Et aujourd'hui encore, une des plus grandes écoles historiques sur l'Asie centrale, c'est l'école japonaise. Recentrer l'Asie centrale. C'est le titre, Franz Grenet, de votre leçon inaugurale au Collège de France. Non, mais c'est, à vous écouter, nous voyons combien ces territoires longtemps écartés de l'attention méritent, c'est ce que vous faites, que l'on s'y attarde. Il y a l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Asie centrale, transfert culturel le long de la route de la soie. Ah bah oui, enfin bon, hein, on dit la route de la soie. Mais... Le titre était imposé par l'éditeur pour des raisons commerciales. Voilà, mais des raisons commerciales, mais c'est vrai que ça parle. Après, ces expressions-là, il faut, et c'est ce que vous faites, les nuancer. Eh bien, merci vivement de nous avoir fait voyager jusqu'en Bactriane, un monde qui nous fascine dans le cours de l'histoire, au cœur du monde, la longue histoire de l'Afghanistan, parce que l'actualité mérite d'être éclairée sur le temps long, le temps très long quand nous partons dans l'Antiquité, presque au-delà avec vous, Franz Grenet, un territoire riche de son patrimoine, au trésor menacé, un territoire convoité au carrefour des empires, oui, d'Alexandre le Grand au grand jeu des puissances coloniales, nous nous intéressons à la longue histoire de l'Afghanistan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudez, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.